Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gourmet du Pré 1862. Question 9. De la science du Christ en général. Le Christ, outre la science divine, avait la science des bienheureux. Il avait aussi une science innée ou infuse, et une science acquise ou expérimentale. 1. Le Christ avait-il une autre science que la science divine? Le Fils de Dieu a pris la nature humaine dans son intégrité, il a dû dès lors avoir une science créée, outre la science divine, autrement, il faudrait dire que son âme a été moins parfaite que celle des autres hommes. À quoi lui aurait servi de prendre une âme par laquelle il n'aurait rien connu? Il est d'ailleurs une certaine science créée qui appartient essentiellement à la nature même de l'âme humaine. C'est celle par laquelle nous connaissons naturellement les premiers principes. L'âme du Fils de Dieu aurait manqué de cet attribut naturel, si elle n'avait pas eu une autre science que la science divine. C'est pour cela que le sixième concile général a condamné l'opinion de ceux qui refusaient au Christ deux sortes de science ou de sagesse. Note. Il est vrai que, de deux lumières du même ordre, la plus brillante éclipse la moins vive, on le voit par le soleil qui obscurcit la lumière d'un flambeau, mais si vous prenez deux lumières dans deux ordres différents, de telle façon que la moins vive reçoive sa clarté de la plus brillante, loin de s'obscurcir en présence de cette dernière, devenue plus lumineuse, la moins brillante acquerra, au contraire, plus d'éclat. La lumière répandue dans l'air ne s'accroît-elle pas à la lumière du soleil? C'est ainsi que la science créée n'est point obscurcie dans l'âme du Christ par la science divine, qui est la vraie lumière par laquelle tout homme, venant en ce monde est éclairé. Jean 1, 9. Fin de la note. 2. Le Christ avait-il la science des bienheureux? Le Christ possédait la science des bienheureux, qui consiste dans la vision de Dieu. Ce qu'il disait lui-même le prouve, « Je connais mon Père, et je garde sa parole. » Jean 8, 55. Puisque c'est par son humanité qu'il nous fait parvenir la science que possèdent les habitants du ciel, cette science lui convenait nécessairement et suréminemment. La cause doit toujours l'emporter sur les faits. 3. Le Christ possédait-il une science infuse? L'apôtre a dit, « Tous les trésors de la sagesse et de la science sont renfermés dans le Christ. » Colossiens 2, 3. Outre la science des bienheureux, par laquelle on connaît les autres êtres dans le Verbe, le Christ avait une science infuse, qui consistait en ce que son âme avait reçu du Verbe, auquel elle était unie, les idées ou espèces intelligibles de tout ce qui existe, elle connaissait ainsi les choses telles qu'elles sont dans leur propre nature, à l'aide d'idées proportionnées à l'entendement humain. Sa perfection le demandait. 4. Le Christ avait-il une science acquise? L'apôtre disait, « Quoiqu'il fût le Fils de Dieu, il connut l'obéissance par ses souffrances. » Hébreux 5, 8. La glose ajoute, « C'est-à-dire par les choses dont il fit l'expérience. » Le Christ avait donc une science expérimentale ou acquise. En effet, il avait, comme nous, l'intellect actif, dont le propre est de tirer les espèces intelligibles des images sensibles. Quelle aurait été l'opération spéciale de cette faculté, s'il n'avait pas dû avoir une science acquise, que l'on nomme parfois science expérimentale? Dieu n'a fait rien d'inutile dans la nature, et encore moins dans l'âme du Christ. Note. Ainsi, le Verbe incarné avait trois sortes de science, la science expérimentale ou acquise, qu'il tenait de la capacité naturelle à l'âme humaine, la science infuse ou surnaturelle, qui, indépendante de tout rapport avec les images, vient d'un principe supérieur, comme dans les anges, la science enfin des bienheureux, qui fait voir l'essence même de Dieu. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.